thinking of myself. We're filled with days of emptiness and room for no one else. I found a haven in isolation with nothing to lose. Safe and lonely, thinking I'm only all around the productions. Yo, les années passent, maman m'avait pas dit qu'il y aurait tant de connards. Et ça c'est dur comme un week-end que je passerai sans collal. Ils veulent me voir à terre, je relève la tête grâce à mon texte. Pour aller bien manie, il faut que je gratte plus que les spontex. Perdu dans un monde où le bonheur est éphémère, j'essaye de faire du mieux que je peux sans taffer cet été merde. Trop la flemme, je suis de ceux qui aiment le bif sans effort. Mais là il faut que je m'y mette, sinon j'aurai une mère triste en décor. Dans le passé j'ai tenté le saut, mais la chute est lourde. J'ai condamné mes chances quand j'ai connu cette pute écoute. Dans la peine, la joie, noyée par des larmes. Désormais je sais qu'entre réputé et réalité y'a pas d'écart. Sors une Philip Morris, rêve de bonheur, pas de clitoris. Comment te dire, un petit sourire pour moi serait historique. J'rappe ma vie quotidienne et j'espère que ta copine t'aime. Man, ils sont une dizaine à vouloir la baiser tous les week-ends. Si les schlacs te parlent, c'est pour ton accompagnatrice. Et même ma quête t'inquiète, c'est plus pour un comparatif. Depuis mars je m'égare car ils veulent me faire si mal. Mais savent-ils que je reviens d'en bas, là où les valeurs s'immolent. Bref, tu vois, j'avance entouré de bons partenaires. Écris ça en une heure, c'est peut-être pas dur à partenir. J'aime dans la forme, ce que je perds en contenu, c'est du freestyle. Papa m'avait pas dit que la vie, ça serait du free fight.